Thank you. donc faire un tour à l'envers. Je cherche un peu de gaieté, viens donc faire un tour à l'envers. T'as un petit planqué, viens donc faire un tour à l'envers. Faire un tour à l'envers. Y a des chouchins à volonté. Qu'allons faire un tour à l'envers.